spectacle. Vous êtes dans la zone 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On apprendra pourquoi le loisir c'est bien plus qu'un jeu avec Marie-Laurence Audet et les aventures musico-scientifiques de Justine Renaud continueront dans Justine Pertine. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 26 mars 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut, Steph. Bon matin. La température d'aujourd'hui me donne envie. Tu sais, la slush avec un petit peu de crème glacée avalée dessus. Comment on appelle ça? Une flotteuse, une barbotine, une barboteuse? Tu sais, là, c'est de la crème glacée dessus, c'est bon. Je sais pas, ça fait pas partie de mon folklore, de mon folklore à moi, ça. Ton folklore, tu l'as pas dans le cœur, ton folklore. C'est comme un jeu de mots entre folklore et ton cœur. Non, mais ça fait juste pas partie de ma vie. Je connaissais pas ça, genre, jamais avant d'arriver comme ici. Là. Tu manques quelque chose. C'est vraiment très bon. Aucun intérêt. Non, bon. Sincèrement, je vais toutes les garder pour moi. Oui, bon, yeah. Parfait. Je vais m'en acheter un, je vais te le donner. Génial. C'est bon, ça. Ouais. T'as bon dit. Super. Aujourd'hui, l'émission, Steph, ça me demande un exercice de mémoire. Là. Il me semble que Justine Renaud nous a dit qu'elle serait là cette semaine parce qu'après ça, elle serait pas là pendant le mois d'avril. Au pire, ce sera une belle surprise. C'est ça. Ou une mauvaise. Ou une mauvaise, on verra. Donc, c'est supposé à 8h30. Ensuite, à 9h, tu vas nous faire le poste d'écoute. Oui, bien sûr. C'est ça. Regarde, tu commences pas à le savoir. Jamais je vais l'apprendre. On va être rendu à la fin de la session, puis je vais peut-être à la fin dire « Oh, c'était ça le poste d'écoute! » Ah, on recommence! Les nouveaux arrivages de C'est fou. Ah, OK. Hein? Ah, okay. De CD. Ça te sort. Il y a plein de musique qui arrive. Comme dans un poste d'écoute. Moi, je trie un peu. Puis là, ben, je fais comme « Hey, ça, c'était pas pire. Écoute ça, man. » Tellement de sens. Ouais. Tellement ça, de sens. Ça ressemble à ça. Donc ça, c'est à 9h. À 8h, on a Marie-Laurence Audet. Tu vois que j'ai fait ça dans le désordre complet. À 8h, Marie-Laurence Audet, avec sa collègue Le Loisir bien plus qu'un jeu. Il nous parle de divertissement, de choses qui sont le fun. On a parlé de jeux de société la semaine passée. C'était vraiment différent d'habitude. C'est très cool, comme vous connaissez, c'est varié d'un bout à l'autre du spectre du divertissement. Donc ça, c'est à 8h. Dans quelques instants, on va se faire quelques instructions d'assemblage. Ah, c'est bien ça. Oui, quelques conseils de vie, voilà. Il me semble que ça fait longtemps. Oui, un petit peu. Mais pour l'instant, on écoute Ponctuation avec leur extrait qui me fait penser encore une fois à de la slush avec une crème glacée à la vanille dessus. Oui. C'est Météo de Ponctuation. We'll be right back. C'était ponctuation et météo à Assemblage Rocky. Maintenant, dis du conseil un petit peu, toi et moi, on va se renvoyer la balle par rapport au conseil de la vie. C'est-à-dire que moi, je vais donner des conseils, toi, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas de même que ça marche pour vrai. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas! Qu'est-ce que c'est ça? C'est les instructions d'assemblage, craint dans lesquelles on s'offre quelques petits conseils pour mieux vivre dans tous les domaines, que ce soit dans la cuisine, dans la maison en général, que ce soit au bureau par exemple. Mm-hmm. Donc ici, on vous dit pourquoi vous devriez acheter des disques durs de 4 téraoctets et de sauter par-dessus les disques de 3 téraoctets. Ah? Moi, tu vois, naturellement, je prends les disques de 3 téraoctets parce qu'ils sont vraiment plus abordables que les disques de 4 téraoctets en ce moment au Québec. Mm-hmm. C'est comme ça dans les magasins. Donc, c'est une étude basée sur les marques de disques durs les plus fiables donc par rapport aux disques durs pour les grands consommateurs et pour les disques durs d'entreprise. Donc, Backblaze nous sort des données intéressantes qui pourraient nous aider à choisir notre prochain disque dur. Donc, de ne pas acheter de disque de 3 téraoctets. La compagnie de backup, donc de sauvegarde, a évalué les 41 213 disques durs. La plupart qui étaient des disques durs de calibre consommateur pour leur taux d'échec annuel. Ils recommandent donc les disques de 4 téraoctets pour leur valeur et leur fiabilité. Ils ont aimé chacun des disques durs de 4 téraoctets qu'ils ont achetés cette année pour le prix. T'as beaucoup de place, évidemment. Un téraoctet de plus que le 3 téraoctets. Genre, c'est mathématiquement quand même simple. Et l'échec des disques durs était très, très bas. Le Seagate Desktop HDD .15 a le meilleur prix. Il y en avait beaucoup dans leur test. Plus de 12 000 de ces disques durs-là. Le taux d'échec était à 2,6% dans l'année, ce qui n'est pas beaucoup. Donc, faible prix et fiabilité, c'est bon pour les affaires, pour les bureaux. C'est ça. Il y a différents détails que vous pouvez retrouver sur assemblagerequis.com. Pour les 3 téraoctets, un petit peu dans toutes les marques, ça n'a pas aussi bien été. Le HGST Deskstar 5K 3000 3 téraoctets était très très fiable, mais très très cher comparé aux autres modèles, dont des disques durs de 4 téraoctets par HGST. Le Western Digital Red, qui est un modèle populaire en magasin, 3 téraoctets, taux annuel d'échec de 7,6%. C'est très très, c'est quand même relativement haut, mais acceptable selon eux. Le Seagate Barracuda 7200.14 3 téraoctets, c'est une toute autre histoire. Il y a beaucoup trop de taux d'échec. Moi, ça vaut clairement pas de la... Ça vaut pas la peine. Donc, petit test que vous pouvez retrouver sur assemblagerequis.com. C'est très détaillé. Il y a des tableaux et tout ça avec des lignes et des barres. C'est super intéressant. Vraiment fun. Ensuite. Pertinent, étrangement. Pertinent, étrangement pour le grec de Mathieu Plante. C'est ça que tu veux dire. Genre. Mettons. Accrocher de petits outils en dessous d'une tablette avec quelques aimants à disque dur. On reste dans le même domaine. Ah. Une façon simple de faire plus de place à votre table de travail si vous avez donc des aimants de disque dur qui sont. Partout autour de vous. Vous avez qu'à coller ces aimants-là qui sont prises dans de vieux disques durs mécaniques. Là, on parle vraiment de disques durs avec des plaquettes, là, des petits... Et non pas les SSD qui sont comme de la mémoire flash, comme de clé USB. Ah, OK. Donc, des vraies parties qui bougent dedans. Oui, donc c'était mon imitation de disque dur. Ouais, mais j'ai une chance que tu l'as fait. Ouais. Donc, c'est ça, on va les coller en dessous de tablette. C'est Instructables qui nous dit ça, c'est l'utilisateur Udubinski. Les outils peuvent être accrochés là par leur pointe. Donc, par exemple, une paire de pinces par sa bouche. Hein? Et un tournevis par son bout que tu rentres d'habitude dans le tir. Donc, des disques durs, des aimants de disques durs qui sont très, très fortes. Donc, elles devraient pouvoir soutenir plusieurs types d'outils, mais il faut juste s'assurer de les coller de façon efficace. Il faut aussi les monter sur le mur pour faire à peu près la même chose. Donc, c'est des aimants à disques durs. Allez voir l'article, encore une fois, sur le site pour quelques petites spécifications techniques. Ensuite, tu peux fabriquer, on va à la cuisine, des bols de chocolat avec des ballons. Ah. Des bols en chocolat qu'on peut donc manger à la fin. Des bols parfaitement mangeables pour votre crème glacée et d'autres desserts. Hein? Ça, je trouve ça perturbant parce que ça rejoint à la fois une dépendance pour moi et une phobie. Parce que je suis dépendante au chocolat, mais j'ai peur des ballons. Oui. Je serais pas capable, je sais pas ce que je ferais avec ça. Il y a une petite vidéo silencieuse sur assemblagerequis.com, donc il n'y a rien à entendre, seulement les méthodes à faire. Donc on gonfle des ballons. Alors, on va l'écouter. Bon, moi je suis en train de la regarder. Ben, en fait, c'est ce qu'on entend derrière moi. Ah. Et donc on va mettre le ballon gonflé, qui est en forme de bol, dans le sirop de chocolat, ben le chocolat en fait. Et on va le mettre sur une plaque à biscuits avec du papier parchemin. Et là, on fait ça avec tous les ballons. Donc, c'est des ballons qui sont en forme un peu de poire. Okay? Mm-hmm. Donc, on va les tremper dans la sauce de chocolat et on va mettre ça sur le papier parchemin dans un spot de chocolat. Donc, il faut vraiment que le chocolat soit complètement en dessous de ton bol pour qu'il tienne, pour qu'il ait en forme une forme, pour qu'il y ait un plat en dessous. Ben oui, ben oui. Donc, ensuite, j'ai manqué une étape en racontant mon histoire de fond de plat. On va péter le ballon. Une fois que c'est figé, j'imagine. Une fois que c'est figé, bien sûr. J'imagine qu'on met ça. J'ai manqué de boue, il le mettait au frigidaire. Je mets ça au réfrigérateur. Mais je pense que c'est. Ça doit l'évidence être pas mal l'évidence main. Ensuite, on défait les bols. Tu vois que le gars les prend et il n'y a pas de chocolat sur les doigts. Donc, c'est vraiment très, très. C'est parfait comme ça. Et après ça, on va les mettre sur des bols. Et on va mettre la crème glacée à l'intérieur du bol. Et on va servir ça comme ça. Et après ça, tu dis à tes invités: hein, tu pensais que c'était un vrai bol? Mais non! Outrage, mensonge. J'ai déjà fait quelque chose de semblable, mais différent à la fois. Wow, mais dis-moi en plus! Non, dans le fond, c'était pour faire peut-être plus quelque chose d'asymétrique. Okay. Qui fait plus fashion, funky, si on veut. Funky un peu, ouais. C'est funky paradis, comme on dit. Ouais, exactement. Donc, mon Dieu, c'est quoi ce pot de crème glacée-là? Il y a 2 cuillères dedans. C'est un mini pot. En tout cas, mais cette cuillère, elle faisait comme tout le plat. Ah. Donc, dans le fond, tu prends du papier d'aluminium et tu vas tout simplement beurrer ton sirop de chocolat à l'intérieur. Pour faire la forme, dans le fond, tu prends comme une pomme que tu peux mettre dans le fond. Tu vas former ton papier d'aluminium. Et c'est... Il y a des craquelures, puis tu sais, c'est plus haut d'un côté que de l'autre, donc ça fait quelque chose d'asymétrique, de très design. Je te dirais que sur les 4 que j'ai fait, j'en ai pété un. Okay. C'était le premier en essayant de le défaire, parce que j'étais peut-être moins minutieuse. Mais t'étais saoul, on va dire. Non, pas du tout. Attends un peu. Non, j'étais pas saoul encore. Le lendemain. Non, mais c'est ça, ça se fait très bien. Donc, ça, c'est certain que ça fonctionne, ça aussi. Génial. Et t'as vu en plus qu'il s'est fait des biscuits en forme de petites fléchettes pour pouvoir péter les ballons. Ouais. Et après ça, il se sert du biscuit pour le mettre dans la crème glacée. Ben voilà. Ah, voilà. Donc, c'est une excellente solution pour peut-être avoir 2 fois plus de saveur dans votre dessert. Et c'est toujours. Ça impressionne toujours la visite, hein? Ben, mais ça, t'as l'air fancy. Ensuite, débarrer un jeu caché dans Google Chrome sur Android ou sur PC. Vous avez sûrement vu le petit dinosaure qui apparaît quand Chrome n'est pas capable d'établir une connexion, ce qui, à l'UQTR, arrive plusieurs fois par jour, tu sais. C'est comme ça. Donc, c'est la vedette, maintenant, d'un petit jeu, un Endless Runner. Tu connais la mode des Endless Runners, où tu te mets à courir sur les téléphones, surtout, tu fais juste sauter. C'est pas mon genre de jeu, mais quand même, ça existe. Amit Arkval a écrit au sujet de ce jeu-là, chez Digital Inspiration, parce qu'un de ses lecteurs avait mentionné la découverte. C'est quand même un jeu assez amusant. Donc, quand t'arrives sur la page Unable to connect to the Internet, là, il faut que tu te rendes à cette page-là, premièrement. Donc, dans ton furteur Chrome, t'appuies sur la barre espace pour démarrer le jeu et tu utilises la barre espace pour sauter par-dessus les cactus qui arrivent vers toi. Le jeu fonctionne dans la version Android de Chrome. Vous pouvez allumer le mode avion et taper sur l'écran pour commencer à sauter. Donc, quand vous n'avez pas de connexion, vous pouvez quand même relaxer votre stress à la place de juste lancer votre ordi sur le mur, comme certains auraient envie de faire. Vous pouvez même avoir un high score. Un meilleur pointage, 1081, et le record de l'auteur de l'article qui sera Digital Destruction. Donc, essayez de faire mieux que ça. Le score est dans le coin en haut à droite de l'écran. Voilà. Oui, c'est clair. De toute façon, c'est assez minimaliste pour qu'on le voit. C'est ça. Donc, si on veut jouer, on vient à l'UQTR. Hey, gay! Ça va être dans leur petit dépliant, pamphlet. Pour attirer les nouveaux étudiants. Collection qui marche jamais, vous allez pouvoir jouer un petit dinosaure qui saute sur des cactus. Il va y avoir 2 personnes qui vont comprendre. Voilà. C'est ensuite le bon outil pour choisir la bonne grandeur et la distance pour visionner, pour voir, pour regarder votre télévision. Ça, c'est intéressant quand même pour ceux qui veulent s'acheter une nouvelle télé. Des considérations à faire lorsqu'on achète ce téléviseur. Entre autres, la grandeur dont vous avez besoin et la distance à laquelle vous devez être par rapport à la grandeur que vous voulez, si jamais vous voulez une grandeur qui n'est pas celle que vous devriez avoir par rapport à votre appartement ou votre maison. Donc, j'imagine que si on a une largeur maximale dans un salon, donc il faudrait prendre une télé adaptée à ça. On a une largeur maximale et on a de l'argent maximal pour le prix de la télé aussi. Il y a ça. Les deux mots qui se ressemblent. Donc, c'est une science complexe. Plus grosse est votre télé sans changer sa résolution, moins elle va être belle de loin. Mm-hmm. Parce que l'image en tant que telle va être étirée. Et plus tu dois t'asseoir loin, moins tu vas pouvoir différencier, voir que c'est moins beau. Hein? Donc c'est l'outil du site 4rent.com qui nous montre les meilleures distances pour les télés 720p, les 1080p et pour les riches, c'est-à-dire pas vous, notre public cible, les télés 4K. Hein? Donc quand même, il faut des fois... comment dire, arrondir au plus proche ou quelque chose comme ça, quand vous regardez différents modèles de télé. Par exemple, ici, bon, on est à 2,5 pieds de la distance de la télé, et là, il y a des barres et des trucs comme ça, donc si on clique sur le petit truc pour avoir exactement, je vais sélectionner ma grandeur de télé. Attention, je vais y aller avec une 55 pouces, hein. Donc, il faudrait s'asseoir, si on a une télé 720p, faudrait pas s'asseoir devant cette télé-là, c'est marqué NA, n'est pas disponible. Ah. Ça commence mal. Mettons qu'une 1080p, ce qui est le cas de la mienne, il faudrait que je sois à 6,7 pieds, presque 7 pieds. C'est loin quand même. 6 pieds, plus 7. Ben, pouces. C'est couche-toi à terre, ouais. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. T'as raison. Fait, je pense que je suis exactement pas à la bonne si distance. Si loin que ça. Je pense que c'est parfait chez nous. Si t'avais une télé 4K, faudrait que tu t'assoies plus près, à 3,2 pieds. Pourquoi? Bonne question. Pour voir. Ouais, je sais pas. C'est une bonne question, ça. Sûrement que le 1080p, c'est parce que la qualité de l'image peut être moins belle. Donc, si t'as ça plus loin, comme on dit tantôt, tu vas moins voir les différences. OK, dans le fond, avec la 4K, si t'es trop loin, ça donne pas grand-chose. C'est ça, exactement. Tu verras pas pourquoi t'as acheté une 4K, tu vas pas trouver que c'est rentable. Alors que si t'as assis très très près de télé 1080p, tu vas voir les floutages. Par exemple, dans les Blu-ray ou les DVD, surtout les DVD que j'ai à la maison, sur ma télé 1080p, il y a des fois un petit effet de traînée derrière. Et là, je regarde pas les émissions de prostitution, il y a des traînées partout. Mais c'est, y a des petits traits de fantômes derrière les gens quand ils courent dans les scènes d'action. Juste un petit minuscule. Ça n'a pas rapport avec les mégahertz? Peut-être la télé? Je connais moins. Mais c'est sûrement la compression du DVD. Il faut aussi comprendre que les DVD sont pas en aussi bonne qualité que votre télé de nos jours. C'est pour ça qu'ils vendent des Blu-rays. C'est pour ça qu'une saison comme de l'émission de télé qui dure une heure par épisode et de 10 épisodes, tu te rappelles de The Nick, le Blu-ray coûte 72$ plus taxes pour de la qualité d'image, tu sais. Faut être fou, ouais. Là. Faut être fou de payer ça pour une série télé, je trouve. Mais bon. Bref. Donc, allez voir le petit tableau. En fait, c'est vraiment pas un tableau, c'est plus un site interactif où tu choisis ta grandeur de télé et le tableau apparaît ensuite. Ensuite, on reste dans le domaine de la télé et on vous dit de mettre votre service télé en vacances pour économiser de l'argent sur le câble. Il y a plusieurs raisons de vouloir couper le câble, c'est assez facile à faire. Depuis plusieurs années qu'on parle de cord cutting, j'en suis bien fier d'être un cord cutter en ce moment. Je sais pas combien de temps ça va durer avec la nouvelle offre de TiVo de Cogeco, mais quand même... Allô? Mais, Moi, tu fais ça pas par choix? Ben, je le fais par choix pour économiser de l'argent parce que je sais que je la regarderais pas si je l'avais. Le câble, je le regarderais pas, il y a pas de poste qui m'intéresse en ce moment sur la télé normale. Pour vrai, cord cutting, c'était la mode. Les gens sont abonnés à Netflix, Hulu et d'autres aux États-Unis. Ils prennent plusieurs services en même temps. Puis ça finit par leur coûter moins d'argent. Et ils ont littéralement toutes les émissions des grands réseaux sont diffusées au moins en ligne. Mm-hmm. Toutes les émissions. T'sais. Donc, c'est assez facile à faire. Mais si vous avez une équipe de sport que vous voulez suivre vos nouvelles locales, des trucs comme ça, c'est plus difficile de couper le cordon. Par contre, si vous prenez des vacances, que vous allez dans le sud, que vous êtes en pause estivale, vous pouvez mettre votre abonnement télé sur pause pendant la saison morte, si on veut. Donc, chaque compagnie de câble a différentes politiques. Certains vont vous permettre de mettre ça en vacances sur votre compte pour un petit forfait de 5 à 10$, quelque chose comme ça, dépendant. Et c'est sûr que là, c'est un article américain. Au Québec, il faudrait voir pour les prix. J'ai moins d'idées là-dessus, mais je suis pas mal certain que ça se fait. J'ai déjà entendu parler de gens de ma famille qui avaient coupé leur Star Choice pendant un bout de temps pour pouvoir se rebrancher après. C'est une pause. Ah, on dirait que j'ai des doutes, moi. Peut-être. Moi aussi, honnêtement, j'ai des doutes. Il faudrait l'essayer, mais ça vaut la peine de le demander. Donc, de mettre votre service télé sur pause. On passera pas plus de temps que ça parce qu'on sait pas exactement si au Québec ça se fait, mais... pensez-y quand même. Ouais, informez-vous, on perd absolument rien à s'informer. Absolument rien, comme je perds absolument rien à m'informer sur TiVo, ça veut pas dire que je vais le faire. Ben non. Il arrête pas de m'appeler à tous les jours pour me dire que ça existe maintenant. Pour vrai, il m'appelle tous les jours, parce que je leur ai demandé de m'appeler. Mais tu sais, quand même, il m'appelle à tous les jours. T'as cherché le trouble. T'as vu, une fois, tu laisses le message, puis je vais rappeler s'il faut. Je trouve, t'sais. Faut plus m'appeler à chaque fois. Ils veulent te le vendre. Ils veulent vraiment me le vendre. Parce qu'ils ont vu là, que j'avais de l'intérêt. Là. Mm-hmm. Ah, on va se faire 100$ celui par mois. Là. Non, pas de suite, pas de suite. Ensuite, mettez-vous un budget limite pour votre gaz, votre pétrole, votre essence, pour économiser l'excédent lorsque les prix redescendent. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas te prendre un budget maximal pour ton gaz et quand le prix va redescendre, tu vas payer le montant qu'il te demande et tu vas prendre l'excédent que tu aurais payé si le gaz avait été à son prix élevé et tu vas l'économiser. C'est une autre façon d'économiser, un peu comme quand tu vas faire un achat, tu vas demander à ce que ton montant soit arrondi. Il y a des comptes de banque apparemment qui permettent de faire ça et économiser le reste des cents dans ton compte d'épargne. Genre. L'entre-deux, mettons. Non, je vais le réexpliquer encore. Donc, le gaz, c'est difficile à estimer. Le budget, des fois, quand le prix est en fluctuation, ça peut rendre votre budget instable. Donc, le gaz est une dépense qu'on compte tout le temps. Dépendant de où vous habitez, peut-être que le prix varie plus ou peut varier moins, j'ai aucune idée, j'ai même pas de voiture moi-même, mais l'idée c'est de se charger plus que ce que ça prend pour le gaz quand ça coûte moins cher. Donc disons, je sais pas, là, combien ça te coûte par gallon, mettons, quand le prix est très très élevé. Là. Au gallon? Non, ouais, pas au gallon, tu sais ce que je veux dire, au litre. Là. Mais mon Dieu, je m'adapte pas, mais je m'adapte pas assez, mais quand même. Je sais pas, je remarque pas vraiment le prix de l'essence, là. Bon. Mettons, dans les hauts qu'on a eu jadis, là, avant que ça redescende un peu, mettons, 1,40, là. Ouais. Donc, s'il te coûte 1,40 puis que t'atteins qu'au complet, écoute, je sais pas, moi... Hey, je sais pas, tu veux me faire des maths, là? OK, ben on va passer au prochain article. Non, mais c'est parce que je peux pas te faire ça, là, 1,40 fois je sais pas combien de litres. Mais là. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, prenez l'excédent entre le prix élevé et le prix le moins élevé. Moi, mais si t'as besoin d'essence dans ton auto, tu vas y aller peu importe le prix? Ouais, je comprends, mais je comprends pas ce que tu comprends pas dans ce que j'essaie de te dire, mettons. Mais bon, c'est pas grave, on va passer au prochain. T'sais. Ouais, mais c'est parce que si tu veux économiser, oui, mais tu peux pas attendre nécessairement que l'essence descende. Là. Non, c'est ça, mais c'est que dans ton budget, il va tout le temps au même prix. Le prix maximal dans ton budget, il va tout le temps au sommet de ce que ton prix, de ce que ton gaz coûte habituellement le plus cher. Puis quand il va coûter moins cher, t'économises. Ben, je l'ai dit tantôt. Ok, non, ouais, j'avais non. vraiment pas compris. Entre les deux, ça, l'excédent, c'est le mot excédent, j'ai dit okay. comme 50 fois. Non, je pensais pas, tu parlais du budget. C'est vrai, je comprenais juste pas. Je pensais qu'il fallait que t'attendes, genre, que l'essence descende. Oui, puis que là, ça. Tu n'achetais plein, tu sais. Très logique. Ensuite, donc, mettez 1%, on parle encore d'économie dans ce cas-ci, de mettre de côté 1% de plus par mois pour économiser graduellement. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. On a tendance, des fois, à essayer d'économiser en se mettant, je sais pas, on se dit, bon, on va mettre 10$ par paye, on va mettre 20$ par paye de côté. Et éventuellement, ben, tu trouves que ça monte pas assez vite. Puis là, ben, tu veux monter d'une cloche, tu vas monter à 50$ par paye. Je sais pas trop quoi tu veux mettre de côté. Puis ça peut être difficile à avaler parce que t'as beaucoup moins d'argent à ce moment-là. Donc, on nous dit d'économiser 1% de plus par mois. Donc, c'est le site de finance Afford Anything qui dit qu'on peut se convaincre nous-mêmes qu'on n'est pas capable d'économiser. Moi, je me convainc facilement que je suis pas capable d'économiser parce que j'ai trop de dépenses. Mais c'est pas toujours vrai. C'est ça, c'est d'y aller avec 1% de plus. C'est pendant la période de temps que tu veux et éventuellement, tu vas avoir beaucoup plus d'argent dans ton compte en banque ou en caisse. Économiser quelques centaines de dollars par mois éventuellement, ça pourrait être quelque chose que vous pourriez mettre de côté. As-tu des exemples concrets de ce que ça représente 1% sur un salaire, par exemple? On va y aller avec un salaire, mettons, de base. Mettons, je sais pas, t'es payé. On va faire les maths, c'est le fun, ça, faire les maths. Hein? OK. Mettons qu'on est payé, je sais pas, 15, mettons 15. Mettons quelqu'un qui a un bon salaire quand même. 15$ de l'heure, mettons. Fois 35 heures, mettons. Donc 15. Le fois, c'est quoi? C'est 35 ici, mettons. Fois. Tu vas être payé, mettons. Là, on vient de faire par le nombre d'heures, on le fait par semaine. Fait que fois 4,3, je pense qu'il est typiquement par mois. Ça fait 2257 par mois. Ben, l'idéal, c'est de faire fois 52 divisé par 12. Ça donne le montant moyen par mois. Ah ah! Puis là, ben, tu viens de me perdre. C'est trop compliqué. Ben, mettons, tu fais quelqu'un qui a un maudit bon salaire. Non, mettons... 30 000 par année, 35 000 par année, mettons. Ben, si tu vas par mois, ça donne à peu près en moyenne 1500 par mois. Mettons. Ben, ça te fait 15$ de plus. Voilà. De côté, c'est ça? C'est ça. Plus, s'il va à 2%... Ben, 30. Ça va faire 30. Après ça, ça va y aller avec 45. Ça, fait que si tu continues comme ça, ben, à un moment donné, tu te mets un plafond. Là, 100%. 100% de ton salaire est économisé, puis soudainement, ben, tu prends ta retraite, puis tu te dis bye bye boss. Bon, on se comprend. Le conseil vaut la peine d'être étudié au moins pour ceux qui ont envie de se casser un petit peu plus le biscuit que la moyenne. Ensuite, admettre que toi et ton patron ne vous entendez pas, ça pourrait améliorer ton travail. Ah. Des fois, on s'entend pas avec un patron, c'est peut-être ta faute, c'est peut-être la faute du superviseur, mais de toute façon, l'idée, c'est que vous êtes pas compatibles. Alors, une étude récente nous dit qu'admettre ce fait-là à l'un et à l'autre pourrait améliorer votre performance au travail. C'est une étude de la Michigan State University qui a mis en paire 280 gérants, gestionnaires d'entreprises et leurs subordonnés. Ils ont sondé tout ça pour savoir comment les employés voyaient leur relation avec leurs gérants, leurs gestionnaires. Et séparément, ils ont demandé aux gestionnaires, eux, les mêmes questions. Ils ont appris que ce que les employés et leur boss voyaient dans la relation, en fond, que lorsque l'employeur et l'employé voyaient la relation de la même façon, même si ça allait mal, l'employé performait mieux. Ah. Ok. Donc, des gens disent que ce serait peut-être mieux de faire semblant d'apprécier ton patron, mais les résultats indiquent que c'est l'opposé, en fait, que c'est le contraire. À la fin, dans le fond, au final, c'est beaucoup mieux si tout le monde sait ce que tout le monde pense et qu'on se respecte là-dedans. T'sais. Ça s'applique évidemment pas à toutes les situations, mais c'est quand même bon à savoir que si votre patron et vous avez une mauvaise relation, ça ne veut pas automatiquement dire que vous faites un mauvais travail. Une fois que vous êtes tous les deux d'accord, vous pouvez continuer et mieux travailler. Voilà. C'est intéressant. Quand même le fun. Mm-hmm. On va s'arrêter quelques instants là-dessus. On va peut-être faire un autre bloc de d'assemblage tout à l'heure. Mais pour l'instant, on écoute White Horse Steph, je me rappelle que tu m'as dit que tu te rappelais pas d'avoir entendu Downtown. Ben non. De White Horse à Assemblage Rocky qu'on aime beaucoup. Donc voici Downtown tout de suite. Juste pour être sûr. White Horse, ouais, ouais, juste pour être bien certain. Tu perds rien si tu l'as déjà entendu. Tu vas juste l'aimer plus. Ah, ben c'est ça. Downtown by White Horse. Puis, verdict, Steph? C'est super bon, oh, mais ça me dit rien. Ça te dit rien. Bon. Donc, au retour de la pause, la chronique, les sessions d'assemblage qui vont se poursuivre à Assemblage Rocky jusqu'à 9h30. Ça, c'est... Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes à Assemblage requis en ce jeudi 26 mars 2015 et Stéphanie Paradis. Oui, c'est Mathieu Plante. Dans quelques instants, la suite des instructions d'assemblage. Mais avant ça, on a reçu le nouvel album de Galaxy, enfin. On était sur un CD avec une seule chanson, un simple qu'on avait reçu pour la pièce Robot Lynx, qui est sur le palmarès depuis un bon bout de temps. Mm-hmm. Mais on a reçu l'album Zulu au complet. Je me suis dit que ça serait peut-être cool d'écouter la pièce titre. Mais tellement! C'est Zulu, Galaxy. Assemblage Rocky! Oh, Galaxy, la pièce Zulu sur leur album Zulu, du même nom. On la trouve différente de Robolens, qui était plus accrocheuse. Ouais. Ça peut dire que c'est mauvais. C'est la première qui, c'est celle qui ouvre l'album, donc c'est un peu une intro pour se mettre dans le bain un peu. Alors, ensuite, Robolens, qui est super accrocheuse, fait que peut-être qu'on essaiera Dragon. Tantôt. Ah ouais? Ça pourrait être pas pire. Ouais. Je la prépare, là. T'sais. On se fait comme un poste d'écoute en parallèle, sans vraiment que ce soit une chronique, juste pour le fun. Tout en étant quasiment culinaire, parce qu'on fait du double dip avec, avec notre Pas notre super galaxie. Hygiénique, mais pas ça tellement. Me convient. Pas tellement. Suivez de bord, tu sais. Sauf que tes doigts ont touché. Comme tes bobettes. C'est ça, exactement. Tu me connais trop. Voici les instructions d'assemblage, deuxième partie. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas! C'est toujours les instructions d'assemblage où on vous propose quelques façons de mieux vivre, mais tu sais, on vous dit pas quoi faire, là. On n'est pas ben vos parents. Non, on vous inspire. C'est ça, on essaie de s'inspirer nous-mêmes. Ça peut pas dire que ça fonctionne, ça peut pas dire que je vais suivre même un de ces conseils-là, mais au moins j'essaye. C'est la volonté, tu sais. Voilà. C'est ça. Donc, pour commencer, c'est un système d'organisation dans des boîtes à souliers pour organiser vos objets, tu sais, à la place d'avoir un tiroir à cossin ou de. Dans mon cas, une littéralement boîte de carton à cossin. Dans mon garde-robe, ben littéralement. Ouais, ben je pense que bien les gens ont ça aussi. J'ai plusieurs. En fait, je me suis acheté un gros bac en plastique. Ah oui, c'est meilleur. Et ça sert vraiment à... comme une boîte souvenir, plein de trucs que je traîne depuis que je suis tout petite. Là. Oui, je sais aussi. Les boîtes de plastique, genre Rubbermaid. Ouais, ça prend ça. Ça prend ça ou sinon les petits meubles à tiroirs, tu sais, qui sont pas nécessairement beaux, là, mais tu sais, ouais, tiroirs en plastique. Tu mets ça dans le garde-robe, ça fait la même affaire. Ça, ça sert pour mon emballage de cadeaux de Noël, voilà. Mes chandelles, mon scotch tape. Ce qui est fun, c'est quand tu déménages. Tu fais juste déménager le meuble ou les boîtes de plastique, puis tu y touches pas. Là. Ben non, c'est défais sûr. Pas ça. Ben non. Tu casses la tête pour rien si tu fais ça. Bref, c'est difficile de gérer des fois ces articles, des fois achetés à tort et à travers. Peut-être dans la collègue, ça devrait répondre là. Peut-être que tu as besoin d'une boîte pour ça, ça pourrait arriver. Donc, une solution simple avec des boîtes de souliers, qui c'est quand même beau, relativement, et un peu comme un musée. Les musées vont utiliser des boîtes similaires à ça, mais un petit peu plus luxueuses que des boîtes de carton de souliers, avec des marques dessus. Là. Mais pour des choses, des petits articles aussi, qui eux gardent ça dans des pièces pour que ça garde sa bonne condition. Bref, des boîtes à souliers, c'est simple, c'est pas cher, facile à trouver. Au recyclage d'un magasin de souliers, probablement qu'il va en avoir. Donc c'est dans son livre The Creative Habits que la chorégraphe, qu'on dit Twyla Tharp, vraiment drôle de nom ça, Twyla Tharp, décrit donc son processus créatif lorsqu'elle conçoit des idées pour une nouvelle émission qu'elle fait. Donc, elle s'est inspirée de boîtes en classant ses idées dans différentes boîtes. Et puis, c'est ça. C'est le designer Dave Shea qui l'a aidé à créer tout ça. Et on peut commander des grandes boîtes. Il y a un designer derrière ça. Derrière ça, ouais. J'avoue que pour vrai, c'est des boîtes blanches avec des post-it dessus. Mais c'est ça l'affaire. Parce que ça reste quand même beau. Mais si toi, tu prends n'importe quelle de tes boîtes de souliers, les grandeurs ne seront pas les mêmes. Ça va être plein de couleurs. Ça ne sera pas super beau. Tout à fait. Donc, ce qu'on recommande, parce que ça serait la version cheap à faire, si mettons, c'est pour mettre dans le garde-robe, tu pourrais prendre des boîtes de souliers. Mais si tu veux y aller beau, tu peux aussi te commander des boîtes à colis de Post Canada, genre des boîtes pour envoyer des colis. Ça va commencer à te coûter plus cher, mais tu peux en acheter des douzaines. Chez genre un magasin de bureautique, grossiste de bureautique. Ouais, mais tant qu'à ça, va chez Bouclair puis achète-toi des belles boîtes colorées. Décorées, ouais, c'est ça, exactement. Qui ont déjà un espace aussi, des fois, en avant pour rentrer un petit papier puis écrire c'est quoi qu'il y a dedans. Écris vraiment à la plume, tu sais, quelque chose de super fancy. Ben ouais. Mettons, ça serait vraiment beau. Pourquoi tu voudrais payer une fortune pour des boîtes blanches avec des post-it? Tout à fait. Et ce que j'aime de ces conseils-là, c'est que tu peux le prendre et l'adapter à ta propre façon. C'est sans ça, aucun le but, c'est d'économiser de l'argent et prendre tes vieilles boîtes de souliers. Exactement. Ensuite, la meilleure façon de congeler des restants de patates pilées. Arc! Ouais? Ça se congèle ça pas. Ça se congèle apparemment. Ça se réchauffe à peine. Mais est-ce que tu as déjà goûté à des patates pilées en sac congelées? Non. Parce qu'ils vendent maintenant, c'est récent quand même comme ajout en magasin que j'ai vu. C'est des petits cubes de patates pilées. Des petits cubes. Tu verses ça dans un bol. C'est vraiment du congélateur au bol. Tu mets ça au micro-ondes et les cubes, vu que c'est des surfaces plus petites, vont plus facilement fondre. Et ensuite, tu peux brasser tes patates puis ça redevient normal. À la place d'avoir une grosse motte, quand tu la dégèles, c'est difficile à faire dégeler parce qu'il y a juste le contour puis pas le centre. Puis là, c'est plus compliqué. T'sais. Les petits cubes, c'est vraiment bien fait. Je trouve. Ouais, puis c'est quoi le pourcentage de pommes de terre à l'intérieur de ça? Ouais, je sais pas. Mais c'est à saveur d'ail, fait. Donc, les patates pilées, c'est une bonne addition à n'importe quel repas. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Ah, oui, oui. Surtout avec de la sauce brune. Donc, il n'y a rien de mal de garder un petit peu de patates pilées pour le... lorsque le besoin se fera sentir. Hein. C'est une vidéo de America's Test Kitchen, une chaîne sur YouTube, qui explique donc la meilleure façon de mettre les restants individuellement. C'est de mettre du papier parchemin sur une plaque à biscuits. Ça commence pas mal souvent comme ça, de mettre du papier parchemin sur une plaque à biscuits. Et tu vas prendre des cuillères avec une cuillère à crème glacée, par exemple, pour mettre des formats de une tasse de patates pilées en boule. Tu vas mettre ça sur la feuille de papier parchemin. Tu vas mettre la feuille de papier parchemin dans le congélateur. Tu vas laisser les patates durcir. Et ensuite, tu vas mettre chaque portion, une fois congelée, dans des sacs individuellement. Et quand t'es prêt à les réchauffer, t'as qu'à mettre une portion dans un bol qui va au micro-ondes, le couvrir et le réchauffer jusqu'à ce que la consistance soit de retour à la normale. Ben écoute, s'il y a des gens qui aiment congeler leurs patates, pourquoi pas? Why not peanut? Why not? Ensuite, vérifie vos paiements automatisés pour s'assurer que vous ne payez pas des frais cachés. Mm-hmm. Ça, ben c'est oui. une excellente idée. Les paiements automatiques, c'est super pratique. Tous les mots qui finissent en « hic », qui riment ensemble, c'est toujours vrai. Mais découvrir qu'une compagnie vous a chargé des frais inattendus peut être extrêmement frustrant. Et vérifier vos factures à chaque mois manuellement, à chaque quelques mois, pardon, devrait s'assurer que vos paiements automatiques ne vous prennent pas par surprise. C'est Kerry Kirby qui recommande donc de manuellement vérifier ça via le site Wisebread. Lorsque vous devez manuellement payer une facture chaque mois, vous avez tendance à regarder le montant et voir même des fois analyser pourquoi vous payez tout ça. Vous allez regarder la facture. Bon, ça c'est pour le câble, ça c'est pour l'Internet, ça c'est pour la location du modem, peu importe. Mais quand on paye une facture d'électricité, on va la comparer aussi au mois d'avant et à l'année d'avant pour voir si ça a monté ou si ça a descendu. T'sais. Donc, c'est des choses qu'on ne fait pas lorsque les paiements sont automatisés. Donc, de regarder une fois de temps en temps, à chaque quelques mois, peut-être une fois par saison, quelque chose du genre, on pourrait se donner peut-être une fois par saison, c'est possible. T'sais. Non, mais je regarde régulièrement les, ouais. Les frais qui passent dans mon compte. Si je vois que... Ben, tu sais, si je vois que le chiffre dans mon compte a bougé bizarrement, ben, je vais regarder c'est quoi, tu sais. Exactement. Donc, c'est une bonne chose. C'est une fille sage, Steph. Mais... Non, une fille cassée qui a besoin de surveiller ses finances. Chaque dernière scène. Ensuite, tiens, on peut contrer un peu les douleurs aux poignets à cause de votre clavier et votre souris avec quelques étirements faciles. On passe vraiment de domaine à un autre aujourd'hui, mais il y a plusieurs façons de maintenir votre santé tout en travaillant à un job de bureau, si on veut. Et en partie, c'est de défaire un peu l'impact que le clavier et la souris ont sur votre corps lorsque vous l'utilisez toute la journée. Ça a des effets sur les avant-bras et tout. Donc, quelques étirements efficaces. C'est Barry Lieberman chez Refinery29 qui nous partage donc quelques étirements qui peuvent aider, dont celui-ci... qui renverse l'emprise qu'ont vos poignets et vos avant-bras sur le clavier et sur la souris. C'est de placer les deux bras sur une surface plate, plane, que ce soit le plancher, une table ou une chaise. Maintenant, tu vas sortir tes poignets de l'autre côté que naturellement. Mettons, quand tu mets tes mains sur la table, ouais. Tu vas faire le contraire pour que tes doigts pointent vers toi. Que tes pouces soient à l'extérieur et que tes petits doigts soient à l'intérieur. Tu vas ajouter la pression et l'angle pour que tes paumes de main soient complètement en contact avec la surface. On va faire un lien avec la paume de la main et la surface. On va exagérer ensuite la séparation des doigts. On va vraiment, à la place d'avoir la main avec les doigts tous ensemble, on va séparer les doigts. Et on va essayer de migrer l'avant-bras et les coudes vers le corps pour augmenter encore plus l'étirement. Et on va tenir ça pendant 10 respirations. Comme assez simple à faire. On peut le faire à son bureau. Évidemment, ça va attirer les regards de vos collègues de travail. Mais bon, vous leur direz, moi au moins, je prends soin de moi. Bon. Bon, tu sais, en même temps. Pas ce qu'on pire. Il y a des affaires pires que ça, là. Ben oui, vraiment. Des affaires que les gens font au bureau qui sont bien pires que ça. Ouais, c'est ça. Ça a l'air de faire du bien. Exactement. On voit la fille qui est en train de faire ça sur l'image sur assemblagerequis.com et pour vrai, elle a l'air en forme. Ouais. Ouais, je sais pas pourquoi qu'elle a un saut de moulant à sa job. Ah, tu sais, chacun a un job de bureau en habit moulant. Je ne rêve que de ça depuis que je suis assez fou. Qu'elle soit dans le bureau en habit moulant ou toi en habit moulant? Sans commentaire. Recalibrez ensuite votre horloge de colon. Tu sais, ton colon? Ton intestin. Ben, ton colon. Ton colon, ben c'est ça. Puis, ça dit ce que ça dit. Ça dit ce que ça dit. Donc, pour éviter d'avoir à tout le temps vous présenter, faire votre chez McDonald's, je vais prendre le numéro 2, s'il vous plaît, mettons. Pour essayer de récupérer ça. Je sais pas. Bonne question, ça change à tous les jours. Ça change le menu tout le temps chez McDonald's. Bref, je pourrais t'embarquer sur une anecdote. Il n'y a même plus de pancarte pour le McCafé. Le McCafé est maintenant une partie de la pancarte du restant du menu, genre. C'est n'importe quoi. Hein? Tu sais, avant, le McCafé avait sa propre pancarte, son propre écran avec les prix du McCafé. T'sais. Mais là, c'est rendu que tous les gros écrans en avant sont là pour mettre des grosses affaires. Mettons des wraps gigantesques. Fait qu'il n'y a plus de place pour mettre les petits à côté, genre le junior au poulet. Fait qu'ils ont... rapetissé dans l'écran du McCafé. Donc, t'es supposé savoir que c'est là. T'es supposé savoir que c'est là. Et le McCafé, le menu du McCafé, est rendu une colonne dans l'écran. C'est ridicule. Ça fait penser quand, tu sais, des fois, t'es dans un restaurant comme ça, tu sais, ouais, qu'il y a plein d'écrans. Puis là, tu regardes le menu, puis là, à un moment donné, ah, calvaire, tous les écrans chargent. C'est rendu des pubs. Plein d'écran. Puis là, ils te demandent, oui, qu'est-ce que vous allez prendre? Je le sais pas, je vois plus le menu. Littéralement, à chaque fois, ça m'arrive aussi. Je pense qu'on n'est pas les seuls. C'est à vraiment frustrant, là. C'est tout le temps quand ils te demandent qu'est-ce que tu veux. Que ça, ça ralentit ça. La cadence. Oui, puis quand c'est pas pour te montrer leur nouveau burger, leur nouvelle soupe chez Tim Hortons, peu importe, ça va être chez McDonald's, un petit oiseau avec une carte cadeau dans la bouche qui vole par-dessus le menu. Tu me niaises. Par-dessus le menu. C'est lourd. Outrage. C'est vraiment lourd. Quelqu'un devrait se révolter. Pourquoi est-ce qu'il y a personne dans les rues pour faire une manifestation, une mec manifestation pour vous? Hey, on vient de faire une mini chronique tout le temps de quoi? Exactement. Fait qu'à la place de faire une chronique tout le temps de quoi, on va l'intégrer à d'autres chroniques, puis j'aurais pas à me forcer le cul entre mes 5 sous. C'est ça. Exactement. Donc, on parlait de Kika. On est en train de. Revenons à notre sujet principal. On est en train de se dire comment éviter d'être obligé d'aller aux toilettes à chaque heure le matin. À chaque heure le matin. À la même heure chaque matin, ça je voulais dire. On se comprend là-dessus? Hein? Ouais. Bon. Donc, c'est ça. Pour éviter ces problèmes-là, peut-être que vous êtes entré dans une salle de bain après un collègue de travail qui est allé porter les enfants à la piscine, comme on dit, hein? Ou encore, les toilettes sont complètement occupées, la toilette est complètement occupée et vous devez attendre. Vous devriez séparer votre café matinal ou votre collation un peu pour éviter une mauvaise expérience. C'est chez Lifehack, Kyle Hart qui nous dit ça. Donc, lui, c'est une personne qui aime le café. Il comprend que son corps doit faire presque chaque jour lorsqu'il boit sa première tasse de café, il est obligé d'aller aux toilettes après. Si ça vous arrive, on nous demande, on nous dit, en fait, de changer la façon qu'on boit son café ou son thé. Donc, on nous dit de verser votre première tasse de café après être allé aux toilettes à 8h le matin. Hein? Une fois que tu vas avoir déjà fait ton besoin, ça va être là que tu vas prendre ton café. Tu vas boire ton café pendant que tu vas être sur la route, peut-être, et tu vas arriver, tu vas faire ton besoin au moment où le café a été. Un petit espace de moment après que ton café a été bu, c'est que ton corps va réagir pour aller aux toilettes. Donc, dans le fond, c'est de timer ton café qui, apparemment, a une grande incidence sur ton besoin numéro 2. Ah, tu sais. Donc, on devrait penser à ne pas boire de café trop tôt. Parce que si vous buvez votre café trop tôt, aussitôt vous allez arriver au travail, vous allez devoir tout de suite aller aux toilettes. C'est comme ça qu'on se time un peu. Mais bon, donc allez voir les détails sur assemblagerequis.com. Moi, je vais continuer de boire mon café comme je le bois. Puis quand même, Mais il me semble que l'idéal, ça serait de le boire tout de suite en te levant le matin. Comme ça, tu peux faire ça chez vous avant de partir. Bon point. C'est vrai, ça. Ah ouais. Chacun ses envies. Tout à fait, chacun ses envies. C'est bien dit, ça. Ensuite, ayez un meilleur son. Pour vos écouteurs boutons qui vont dans les oreilles, les écouteurs qu'on s'insère dans les oreilles avec un petit caoutchouc là. Donc pour avoir comment t'aimes pas ça? Ça m'écœure, j'aime vraiment pas ça. Est-ce que tu ressens comme moi un petit peu trop le bruit du fil sur ton manteau quand qui Moi c'est ça le problème avec les écouteurs qui rentrent dans les oreilles profondes. Mais entre autres, mais sinon je trouve ça juste très très très inconfortable. Ouais, claustrophobant par moment. Le pire c'est quand quelqu'un veut tes empreintes, c'est comme non, limite non hygiénique. Ça je fais pas, je refuse. On m'a déjà demandé si je voulais tester ces écouteurs juste par respect pour tes oreilles et pour ton. Mais non, moi j'ai pas envie de faire non, ça. Non. C'est chacun comme une brosse à dents, j'ai pas. Hey, j'ai un nouveau modèle de brosse à dents, veux-tu l'essayer? Ouais, je vais aller m'en acheter une. Ouais, c'est ça, genre juste pour la tester, t'sais. Pas super cher, t'sais. Bref, meilleur son dans vos écouteurs style earbuds avec la méthode de rouler les bouts de mousse, si on veut, tu sais, les mousses mémoire, là, qu'on parle pas des bouts en caoutchouc, c'est comme du plastique prend sa forme tout de suite, là, c'est pas ça qu'on parle. Donc, ça a beaucoup d'avantages, les mousses, ça peut altérer le son de ta musique, par contre. Donc, Tile, chez Inner Fidelity, qui partage quelques trucs pour améliorer le son. Plusieurs personnes se sont plaintes, donc, du son un petit peu sourd, je dirais presque, que les bouts de mousse peuvent faire des fois. Et Tile croit que c'est principalement dû à la façon que les gens préparent le bout des écouteurs. À la place de seulement le rouler entre les doigts. Moi, c'est ce que je fais d'habitude. Je roule dans le sens des aiguilles. Je roule ma mousse à la place de la peser. Je la roule. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça que j'ai toujours fait ça. Donc, lui, il dit d'appuyer sur la mousse dessus pour l'amener vers l'arrière pour empêcher l'excédent de mousse de bloquer le canal auditif. Donc, on regarde la petite vidéo pour voir ce qu'il veut dire. Mais il va c'est pousser. Vraiment long. Tu peux avancer. Ah, pas mal. Vraiment okay, très. Wow, je suis rendu à 1 minute 16 puis il se passe ça. Absolument. De placoter sur le principe de tout ça. Mais vous voyez, dans le fond, sur la vidéo sur assemblagerequis.com, qu'il y a une petite mousse mémoire. Et il va peser avec son doigt sur la mousse. Il va la peser contre un. Ici, il la presse dans un bol avec son écouteur. Donc, il va mettre la mousse sur l'écouteur. Et il va appuyer la mousse dans un bol en faisant un mouvement qui est quand même un petit peu difficile à décrire à la radio, à l'oral. Donc ça pourrait faire un bon résultat pour vous. On dit, selon les gens qui l'ont essayé, un son moins sourd, ça fonctionne dans des tests aussi, avec des tests à aveugle. Il y en a qui disent aussi qu'on peut les mettre à l'envers, les mousses, et qu'on peut aussi trimmer un petit peu, couper un peu de la mousse avec une lame de rasoir. Mais Tal croit que ce n'est pas nécessaire. Avec une bonne préparation, vos mousses d'oreilles qui sonnaient mal vont maintenant sonner mieux. Ok, puis il faut que tu fasses ça à chaque fois, ou... Je ferais pas ça à chaque fois parce que c'est vraiment compliqué. Là. Il le refait plusieurs fois, on dirait, en plus. Hein. Ouf. C'est long. Ouais. Ensuite, fabriquez une nouvelle chandelle à partir de vos chandelles usagées avec une seule étape simple. Ah? Vous êtes un grand utilisateur de chandelles. Économisez vos chandelles maintenant terminées pour utiliser la reste... Voyons. La cire qu'il la, reste. La reste de cire. La reste de cire. Et donc la ramener à la vie en faisant une Franken-chandelle. Tout ce qu'il vous faut, c'est quelques articles de base et cette cire restante ne sera pas gaspillée. Les chandelles arrivent à un point dans leur vie où la cire est presque toute partie et on ne peut plus vraiment les utiliser. Donc, elles deviennent dures à allumer, ne vont pas brûler très très longtemps. Bryson, chez le blog Manmade, un blog de trucs qu'on fait soi-même, recommande de rassembler toutes vos chandelles presque terminées, de faire fondre la cire et créer une nouvelle chandelle. On place la chandelle sur une plaque à biscuits pour la passer au four dans le fourneau à la plus faible température. Pendant que la cire est en train de fondre, on va coller une nouvelle, comment t'appelles ça, la petite tige là? Tige, mettons. Tige de chandelle. Mèche. Une mèche de chandelle, merci beaucoup. Donc on va la coller au fond d'un pot maçon. Donc on va coller avec de la colle chaude. Pas être obligé de la tenir pendant que ça fige. Exactement. Et une fois que la cire dans le four est fondue, on va verser chaque chandelle dans le pot maçon avec la mèche et on va attendre que ça refroidisse. Il y a un petit guide sur assemblagerequis.com pour mélanger évidemment tous ces chandelles-là avec différentes odeurs. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça va sûrement donner le même résultat que toutes les slashes mélangées ensemble. C'est-à-dire de la bouette. Une grosse bonne bouette. Genre, si tu mets toutes les couleurs ensemble, ça fait brun. Brun. voilà, je pense que c'est pas mal là-dessus qu'on va se terminer ça pour les instructions d'assemblage. Bon. C'est fini demain. J'en ai assez, moi. Les liens sur assemblagerequis.com. Encore une fois, ils ont fait les instructions d'assemblage typiquement le jeudi à assemblagerequis. Maintenant, on prend une pause et au retour, on va se faire un petit bloc pub. Et après ça, c'est le poste d'écoute. Avec Stéphanie Paradis. Fou de folk. C'est fou. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est jeudi, c'est le 26 mars. Et puis, Stéphanie Paradis devant moi. Mathieu Plante? Oui. Ben, allô? Devant moi, logiquement. Logiquement. Je suis devant toi. Face à face. Face to face. Dans quelques instants, on va faire la section, le bloc pub, mm-hmm. Où on parle de publicité. Mais c'est pas un bloc pub comme dans s'invente une pub, c'est parce qu'on vient de là. C'est le bloc pub parce qu'on va parler des pubs. C'est ça. Mais avant ça, je vous ai promis une autre pièce de Galaxy. C'est la troisième de leur nouvel album Zulu. Voici Dragon sur C'est fou. Arch, je calme tout ça. C'est Galaxy et l'extrait Dragon. Troisième pièce de l'album Zulu à Assemblage Rocky. Ah, maintenant, tiens, ça nous amène au bloc pub. Venez au beau marché. Oui, papa. Tout le monde aime the Greenland. Je préfère le good Burger King. Ooh, baby, baby, Kiss you. Je me demande vraiment comment cette personne-là fait pour écouter la télé à différentes époques en même temps. Fascinant. Vraiment le fun. Je comprends pas comment ça se fait, puis je trouve ça cool. Donc c'est le bloc pub. Là, c'est vrai, j'avais oublié ce fait-là. Ça fait tellement longtemps que j'avais eu le temps d'oublier que ce fichier est corrompu, donc vous allez devoir vous en faire avec ça, le petit glitch une fois de temps en temps. Ça rajoute du piquant dans une chronique qui est autrement une musique de fond un peu plate. Et comme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le bloc pub, qu'on a tendance à faire lorsqu'il manque quelqu'un, on va y aller avec des trucs un petit peu lointains dans le passé, mais que je trouvais vraiment intéressant. Par exemple, on débute avec le film Unfinished Business, un film américain, avec en vedette Vince Vaughn, Tom Wilkinson et Dave Franco. Le studio Fox a réalisé un partenariat avec Getty Images, et le résultat, c'est des photos mettant en vedette les acteurs dans des scènes typiques de photos d'illustration. C'est des photos génériques qu'on retrouve sur Internet, qu'on achète à la pièce pour illustrer un produit ou un site web. Donc, iStock, Photolia, Shutterstock, toutes ces banques d'images-là qui sont souvent le point de chute idéal lorsqu'il s'agit d'illustrer un texte. Il est facile de se perdre dans les catalogues pléthoriques de clichés censés couvrir le plus large spectre possible de situations, nous dit Cubic.com. On tombe souvent sur des clichés totalement improbables, des images qui n'ont pas vraiment de sens. Donc, pour promouvoir de manière décalée le film Unfinished Business, qui vient de sortir le 6 mars dernier aux États-Unis, le studio hollywoodien 20th Century Fox a établi un partenariat avec Getty Images, propriétaire du site iStock, pour parodier le petit monde des photos libres de droit. Ça donne donc une série de clichés d'illustration qui n'ont rien à envier à ceux qu'on retrouve sur les banques d'images. C'est proposé gratuitement en vue d'un usage éditorial. Donc, ils ont pas fait, bon, on va copier le style des photos, mais vous avez pas le droit de vous en servir parce que c'est du marketing copyright Fox 2015. Non. Vous avez le droit, c'est sous licence, pour les partager. C'est très drôle. Avec les acteurs du site. On peut même aller donc sur iStock.com pour télécharger ça. Il y a un site dédié qui a été mis en place pour récupérer ces photos-là sur le site de Getty Images. Ça va semer le doute sur les pages où elles seront utilisées parce qu'éventuellement, des gens dans d'autres pays qui connaissent pas ces acteurs hollywoodiens-là ou qui, tu sais, quand t'es dans d'autres pays et que t'es d'autres nationalités, les acteurs américains ont tendance à se ressembler pas mal. Donc ça se pourrait, tu sais, un peu comme quelqu'un d'américain va se dire « Ah, t'es toutes les noirs, pareil. » Ben, de l'autre côté, ça peut être la même chose sur les blancs dans ces films-là. Bref, donc ça va être utilisé pour des choses qui n'ont aucun rapport avec le film et c'est ce que j'ai très, très, très hâte de voir. Fascinant, vraiment. C'est cool. Ensuite, on y va avec Moisson Montréal qui sort une campagne pour inciter au recyclage. L'organisme sans but lucratif propose une nouvelle pièce imprimée signée Kamikaze, mettant de l'avant la deuxième vie des boîtes de conserve. La pièce imprimée présente une boîte de conserve à l'emballage déchiré, laissant apercevoir le logo de Moisson Montréal en dessous. L'organisme souligne ainsi qu'il est important de recycler de tels produits légèrement endommagés, mais toujours bons à la consommation. Une affiche qui va être diffusée dans les centres de distribution alimentaire de la région de Montréal. Non seulement un striptease de canne avec le logo de Moisson Montréal écrit dessus. C'est cute au bout. Netflix s'est payé une publicité native dans l'Atlantique pour House of Cards. C'est le magazine américain qui a publié un article sur les couples présidentiels américains qui visait à promouvoir la série House of Cards. Mais ça avait l'air d'un article de journal, c'est ce que c'est de la publicité native, comment est-ce qu'on appelle ça en français, des fois des publi-reportages. C'est sûr que les publi-reportages, c'est écrit publi-reportage dans le coin, puis ça a l'air d'être plus un publi-reportage, alors que ça ressemble vraiment à du contenu typiquement placé du journal. Donc, le service d'écoute en streaming a dévoilé l'ensemble de la troisième saison de la populaire série House of Cards le 27 février dernier. Pour la promouvoir, on a traité avec l'équipe du marketing du magazine The Atlantic afin de produire The Ascent. Agrémenté d'infographies et de vidéos, ce texte revient sur la vie des couples ayant occupé la Maison Blanche, des Roosevelt au Obama, aux Alabama. Ça n'a jamais été président, ça. Ça a été un État. En passant par les Reagan et autres Bush. Netflix avait déjà recouru à de la publicité native pour promouvoir son service ou d'une de ses séries. Par exemple, un papier paru sur le site du New York Times en juin 2014 relatait les conditions d'incarcération des femmes aux États-Unis. Ça faisait la promotion de Orange is the New Black. Quant à The Atlantic, le magazine avait fait les manchettes en 2013 alors qu'il avait publié un article dressant un portrait fort avantageux de l'Église de la Scientologie, générant évidemment l'ire des lecteurs. The Atlantic avait dû publier des excuses à la suite de cet épisode-là, admettant avoir gaffé. La publication a ensuite adopté des lignes directrices claires au sujet de la publicité native. En 2014, il a produit une centaine de campagnes sur mesure en 2014 pour entre autres Rolex et Lincoln. Intéressant article de infopresse.com. Vous avez certainement vu les affiches qui se promènent dans le QTR depuis quelques temps, et même si c'est présenté par une compagnie câblée qui fait partie de l'empire médiatique qu'on n'aime pas nécessairement encourager. C'est présenté par Vidéotron. Ok. Ouais. Mais quand même, j'en parle parce que c'est vraiment intéressant. Les Lions de Cannes, le premier des... c'est donc, il y a 7 arrêts dans la tournée universitaire des Lions de Cannes de l'Association des professionnels de la communication et du marketing. Et c'est drôle parce que l'Association des professionnels de la communication et du marketing ont apparemment pas entendu parler de mettre les mots dans l'ordre, si tu veux qu'on les lise dans l'ordre. Parce que sur leurs affiches, c'est les Cannes Lions au lieu des Lions de Cannes. Mm-hmm. Ils ont juste pas mis le « 2 ». D'autres affaires comme ça, c'est tout le temps en anglais. C'était marqué la tournée 2015 universitaire. N'est-ce pas la tournée universitaire 2015? Ouais. T'sais? Ouais. Fait deux affaires de croche de même, pis c'est comme les deux seules affaires écrites sur l'affiche en gros caractère. C'est vrai que c'est bizarre. Sont spécialistes en com, pas sûr, t'sais. Bref, les étudiants passant, ça a commencé le 10 mars à l'Université de Sherbrooke. Les étudiants ont d'abord pu visionner des publicités gagnantes du Festival des Lions de Cannes dans la catégorie film, presse, extérieur, qui eux appellent outdoor parce qu'ils sont tellement worldwide, et design. Puis un panel composé de Benoît Legendre, conseiller en commandite de la Banque Nationale, Denis Ferlat, directeur principal marketing chez Coca-Cola, Nicolas Marin, directeur général d'OMD Montréal, et Sylvain Dufresne, directeur de création de LG2, leur a permis d'échanger et avec des experts du milieu. Conçue pour le marché universitaire, la formule en est à sa première année officielle, mais elle avait déjà été testée en 2014 à l'Université de Sherbrooke et à l'UQAM. Elle s'adresse aux étudiants qui s'intéressent aux communications et au marketing. L'expérience vise à leur permettre de mieux comprendre comment faire le pont entre la théorie apprise à l'école et la pratique. Le projet est offert gratuitement aux associations étudiantes et peut ainsi être utilisé par elles comme un moyen de financement. Après l'Université de Sherbrooke, des arrêts sont prévus donc à l'Université Laval, c'était déjà fait, c'était le 16 mars. C'était déjà fait aussi pour le HEC Montréal le 23 mars. Ensuite, ça va être à l'UQTR. C'était à l'UQTR hier, t'as raison. Mm-hmm. Ah oui, c'est ça. Et le 26 mars à Concordia, donc aujourd'hui, l'Université de Montréal le 1er avril et l'UQAM le 9 avril. Je pensais vraiment avoir le temps d'en parler avant, mais finalement, je l'ai pas fait. Mais c'est comme ça. Bon, ben là, ils ont juste regardé les pubs aussi dans l'université. Exactement. Hey. Exactement. Hey. Pubs qui sont toujours là en passant, mais c'est comme ça, les pubs sur le campus de l'UQTR. La date passe, puis les pubs sont encore là. Fait que t'as l'impression que tu peux encore en parler, tu sais, mais non. Hein, non. C'est moi qui s'est fait avoir. Le Mont-Saint-Anne et Stoneham maintenant braver le bizarre pour un billet. Une vidéo du Mont-Saint-Anne et de la station touristique Stoneham me demande jusqu'où irez-vous pour un billet de remontée gratuit. Un coup d'éclat qui a été réalisé par 32 mars. Pour imaginer le propos, l'équipe de 32 mars a installé un billet de remontée sur un socle à la base de la montagne, puis l'a encerclé par des canons à neige en action. Les skieurs et planchistes étaient invités à braver le bizarre afin de mettre la main sur la récompense. Les skieurs et planchistes ont une prédisposition naturelle aux émotions fortes, je cite ici. En partant de ce principe, l'idée nous est venue de tester leur sang-froid. Afin de créer quelque chose de distinct et percutant, nous avons travaillé avec de l'équipement spécifique aux stations de ski, soit les canons à neige. Ça donne droit à des séquences impressionnantes. Le mandat était assez complexe, il fallait réaliser un coup d'éclat percutant pour les gens sur place, mais aussi rendre le défi visuellement intéressant pour la captation vidéo, parce qu'après ça, ça allait être diffusé, bien sûr. Conçu en français et en anglais, pour le web, la vidéo promotionnelle a pour objectif de communiquer tant sur le plan régional qu'à l'international, la passion des adeptes du Mont-Saint-Anne et de Stoneham. Donc on peut les voir en anglais et en français, et on va pouvoir aller regarder ça, je pense, nous aussi. Ben oui. Parce qu'il n'y a pas juste eux autres qui peuvent regarder des pubs, là, tu sais... Nous autres, on est qui là-dedans, tu sais? Hop, j'ai cliqué sur mauvaise affaire. Ah, quand tu veux aller rapidement, qu'est-ce que tu fais? Tu t'enfarges dans chaque affaire. Et boy, c'est celui-là, ici. Ça va prendre 3 secondes, puis ça va être fait. Ouais, j'ai quasiment fini, moi. Ouais, c'est ça, hein? C'est... C'est tellement lent. Hein? C'est une grosse tempête. OK, raconte-nous ça. Une grosse tempête, les gens foncent dedans. Ben, font c'est les... pas mal ça. Rien à dire. Il y en a une, là, elle a enlevé son manteau. OK. Elle est en brassière de sport, puis elle court dans le blizzard. Wow! C'est une folle. Une folle, mais elle a gagné des billets. Mais tu sais, tu vois, là, ils ont de la neige intense là, dans tous les poils de face. C'est pas une situation naturelle, parce qu'on a, c'est quand même servi de canon à neige. Ben, situation naturelle. T'as jamais vécu ça, toi, avoir de la neige collée dans la face de même, parce que... Ouais, j'avoue. Est-ce que tu vas faire du ski ces jours-là, par contre? Peut-être, je sais pas. Mais non, mais ça arrive que tu sois obligé de sortir. Ça arrive. Ensuite, Nutella. Qui a causé une polémique récemment. Invité à personnaliser un pot de Nutella avec un message pour leurs proches, les fans de la marque ont vite constaté la censure pratiquée par la compagnie. Dans le cadre de l'initiative Dites-le avec Nutella, les internautes étaient invités à rédiger un message de maximum de 10 mots afin de l'envoyer à ses proches, lequel le verrait en gif animé sur un pot de Nutella. Toutefois, évidemment, virtuellement, c'est pas un vrai pot de Nutella, c'est un gif animé. C'est pour ça dans la vraie vie, les gifs animés en passant. Tu vois, les utilisateurs ont vite constaté que plusieurs mots avaient été bannis par la marque. Donc, les mots obèse, gras, huile et palme, entre autres, ne pouvaient pas être employés. Les mots qui sont les plus descriptifs d'un pot Nutella, donc gras, huileux, obèse, non, impossible. T'avais aussi emmerdeur, emmerdeuse, enculé, escroquerie, fils de pute, fat bitch, fourreur, gastro, génocide, ouais, massacre. Il y a des mots que je peux comprendre, ouais, mais il y a des mots qui n'ont pas vraiment rapport. Tu sais, je veux dire, mettons, musulman. Ouais. Je veux dire, c'est pas une insulte. Non. Là, musulman, juif non plus. Absolument là, pas. On s'entend. Tu sais, quand il y a négro dedans, OK, mon, oui, tout à fait. Mon prout, mettons. Là. C'est-tu vraiment vulgaire, mon prout? Oh boy. M&M. M&M, c'est une autre compagnie qui n'a pas le droit de faire la compétition. Gros tas, ok, je peux comprendre. Héroïne, ça pourrait vouloir dire tu es l'héroïne des déjeuners. T'sais, c'est bizarre. C'est n'importe quoi. Coupable avec un K. Pourquoi coupable avec un K est censuré? Ben, c'est probablement qu'ils sont allés assez large pour être certain que ça sorte pas. Ça ressemble à une liste de mots censurés copier-coller de d'autres compagnies, probablement. Peut-être d'un forum de discussion, t'sais, des trucs comme ça qui vont te faire bannir. Monstre, t'sais, le mot monstre. En tout cas, bref, on pourrait en parler longtemps, mais c'est une campagne de Nutella. Bref, finalement, la marque a rapidement réagi, expliquant que cette censure visait à bannir les messages négatifs ou insultants, on l'avait compris, et que l'initiative se voulait une façon de se servir du pot Nutella comme d'un support de communication pour partager son enthousiasme. La marque est également allée d'un tweet humoristique en disant, je cite, « Si tu as essayé de contourner les mots bloqués sur « dites-le avec Nutella », ben voici un pot, vôtre. » OK? Vôtre. Je comprends pas. Moi non plus. C'est essayer de contourner les mots bloqués sur « dites-le avec Nutella », puis là, il y a un pot avec « vôtre ». Ah ouais. C'est peut-être genre, t'sais, c'est à votre tour. Amoureusement vôtre. Ouais, quelque chose comme ça. Mais t'sais, amoureusement vôtre, ou t'sais, on dit des fois « vôtre » comme dans une phrase polie, des fois. Là. Ouais, respectueusement vôtre. Ouais, mais pourquoi on écrirait juste ça? Je sais pas. Parce qu'ils sont vôtres comme dans « ils travaillent pour vous ». Je sais pas. Hey boy. Oh, Philippe. C'est quelque chose, mais c'est Nutella France, en passant. Ah, c'est pour ça que c'est incompréhensible. Maudit français. Metrovision et Massive Art s'allient à l'occasion de la Nuit Blanche à Montréal, qui était le 28 février dernier, afin de présenter des œuvres visuelles dans le système d'affichage numérique du réseau du métro. Donc, le samedi 28 février, de 22h à 6h le lendemain, donc aux heures vraiment de grande écoute hein, de ces panneaux publicitaires-là, entre 10h le soir et 6h le matin. Un brassage créatif des 5 dernières programmations du festival Chromatic, créé par Massive Art, a été déployé donc, dans le réseau de diffusion numérique de Metrovision. Les 337 écrans du métro, répartis dans 68 stations, se transformaient donc le temps de la Nuit Blanche en vitrine artistique, mettant en valeur les créatifs de la métropole. Ils avaient, Metrovision, le désir d'accompagner les usagers du métro dans ce périple artistique unique à Montréal afin de contribuer à l'ambiance particulière qui règne lors de la Nuit Blanche. Une belle occasion d'offrir l'art à un vaste auditoire. Une sélection d'artistes tels que Maxime Boisvert, Sabrina Raté, les studios Vallée du Hamel et Baya Cardel et fils ont participé à cette offensive. De jolis petits designs colorés, couleurs pastel rose et bleu. Donc, on figurait dans les métros à Montréal. Ensuite, un œuf McMuffin qui se lève avec le soleil à Vancouver, Stéphanie. Ouais, McDonald's. Oui, Mathieu. Oui. McDonald's qui a donc déployé un dispositif interactif sur lequel un œuf McMuffin se déplace de la même manière que le soleil. C'est une opération de Cossette Vancouver. Un panneau électrique donc se modifiant en fonction de l'heure qui a été installée. Sur celui-ci, le McMuffin se déplaçait à la manière d'un soleil levant. Le bureau de Vancouver de Cossette et McDonald's ont remporté le concours Carte Blanche 2014 pour cette idée-là. L'annonceur a ainsi gagné $50,000 d'espace média à Vancouver pour réaliser leur opération. Et donc, le McMuffin qui commence, on voit juste le dessus du petit pain muffin anglais. C'est le seul, je trouve, pain que j'aime sur un McMuffin, c'est le muffin anglais. Je l'ai pas aimé sur c'était sur l'autre petit pain qu'il y avait, c'était je sais pas, j'ai jamais mangé bagel, de McMuffin. Ouais. Moi j'ai dans les petits matins, je prends toujours le pain original, pain de maïs là, je trouve ça délicieux. Délicieux. Donc voilà pour ça. Ensuite une Mais t'as peur, vas-y. Je peux pas parler? Oui, moi aussi j'ai un commentaire. Excuse-moi, j'avais pas vu que t'avais pas fini. Cette affaire là. Ouais, c'est parce que admettons que tu passes toujours à la même heure à tous les jours. Ouais. Tu comprends pas la pub? Non. Parce que tu le vois tout le temps au même niveau. Mais c'est ça, tu fais comme. Veux-tu me dire pourquoi je vois juste le dessus du pain? C'est quoi cette pub de cochonnerie-là? Et il faut qu'il soit des deux côtés du panneau, presque en même temps, comme ça, au chemin de l'aller, au chemin du retour, tu peux voir peut-être la différence entre le quand t'es élevé et quand t'es couché. Ouais, mais quand t'es sur l'autoroute, tu le vois pas de toute façon des deux côtés. Mais tu sais, c'est ça, si tu passes toujours à la même heure, je pense pas que ça a de l'impact. Ben raison. T'as bien raison. Ensuite, une campagne tout en tricot pour les rendez-vous du cinéma québécois. C'est dans le cadre de la 33e édition des Rendez-vous du cinéma québécois que Québec Cinéma a présenté une campagne signée LG2. L'objectif était de positionner les rendez-vous comme un événement collectif et accessible tout en démontrant la grande diversité de l'offre du cinéma québécois. En plus d'un message télé de 30 secondes, LG2 a conçu le visuel moteur de la campagne imprimée qui se décline aussi en affichage et sur le web. Donc on voit des acteurs, des comédiens connus, comme je crois, en tout cas, elle a tellement l'air d'être Anne Dorval. Ben moi je trouvais qu'elle y ressemblait vraiment pas. Non. Puis c'est parce qu'elle a Mommy décrit dans le cou que j'avais vu c'était qui. Ah, j'avais pas vu ça. Sinon les autres c'est qui? Est-ce que tu les reconnais toi? Ben celui-là avec les lunettes, je sais c'est qui mais je connais pas son nom, fait que ça ouais. aide pas vraiment. Mais en tout cas, il y a c'est écrit là, dans quel film ils ont joué, donc on a Les Maîtres du suspense et 1987. Ah oui Ricardo Trogi truc. Ouais, mais c'est pas lui qui est sur l'affiche. Pas lui qui est sur l'affiche. de mon côté, Internet aujourd'hui n'a pas l'air de vouloir collaborer, donc je peux pas vous faire rien écouter, ce qui est vraiment pratique pour une chronique basée sur le fait d'écouter des choses par moment. Mais dommage. Bref, le cinéma d'ici, comme si vous l'aviez tricoté. Je peux la décrire, mais je peux pas vous la faire entendre. Donc on voit un chauffeur de taxi avec quelqu'un à l'arrière, évidemment un passager. J'imagine qu'ils se disent quelque chose, maman. Et le gars dit quelque en chose. En tout cas, sa bouche bouge. Il y a des mouvements de bouche. Hey, c'est le gars, là, de 1987. Ok, cool. Ben, ça se dit plein d'affaires. Et là, finalement, il y a des gants, des mitaines en laine. En fait, non, je pense que c'est lui qui se transforme. Ah, il se transforme au complet en laine parce que là, ses pieds sont rendus de la laine puis la face. Ah, oh, wow! Le cinéma d'ici, comme si vous l'aviez tricoté. C'est bien quand même, je trouve. T'as un peu peur. La page vient d'ouvrir sur l'autre ordinateur, donc on se comprend là-dessus que c'est pas... C'est à la limite épeurant. C'est vraiment épeurant. C'est monstrueux en plus. Donc le marsupilami maintenant qui revient au métro, qui prend le métro avec Saint-Jacques, Vallée, Y et R. L'agence et Hachette Collection lance une campagne soulignant la sortie de la collection l'intégrale du marsupilami. En plus d'une campagne télé diffusée à l'échelle québécoise, l'offensive s'inspire de l'espièglerie du personnage de BD et interpelle les passants de la station de métro McGill. Le marsupilami est bien connu des Québécois, bien sûr, et nous tenions à réaliser un coup d'éclat afin qu'ils redécouvrent le personnage de leur enfance et le fassent connaître à une nouvelle génération de lecteurs, disent-ils chez Hachette, à la collection qui est lancée depuis le 13 février. J'avais vu les pubs à la télé, mais maintenant dans les métros, on voit l'affiche, évidemment, qui est installée à l'endroit où une affiche est d'habitude installée dans un métro, dans ce métro-là, cet endroit-là. Et bref, la queue du marsupilami qui part de l'affiche, sort du cadre et vient faire des formes sur le mur du métro. C'est cool. Et revient dans l'affiche à côté aussi. C'est ça, parce qu'il y a deux affiches côte à côte. C'est tout à fait ça. C'est cool. Hein? Ensuite, Évasion fête ses 15 ans. Tu connais la chaîne de télé Évasion en stop motion. À l'occasion du 15e anniversaire, la chaîne de télévision Évasion lance une campagne signée par les Évadés. Donc, afin de souligner les nombreuses destinations visitées dans la programmation de la chaîne du groupe Cerdi depuis 15 ans, une vidéo a été réalisée en stop motion. Des punaises colorées y forment différents lieux touristiques sur une map monde. La tour Eiffel, le rocher percé et les pyramides de Gizeh sont ainsi représentés de manière ludique sur la carte. La campagne qui est déployée à la télévision, au cinéma, dans les magazines et en bannière web. C'est cool, c'est full cool. Beau. Ouais, très bien fait. On approche de la carte de la map monde et ça ressemble un petit peu à... Ça me fait penser, évidemment, tout me fait penser quand c'est du stop motion, à soap opera. Mais le saccadage, je dirais, de l'image, qui n'est pas fluide, me rappelle particulièement soap opera dans ce cas-ci, je trouve. Que voulez-vous, c'est le même. Ensuite, de vraies fausses pubs génériques pour Toyota. C'est Bleu, Blanc, Rouge qui signe la plus récente campagne télé des concessionnaires Toyota du Québec. Toutes les raisons rationnelles ou émotives sont bonnes pour s'acheter une Toyota. Et c'est ce que les concessionnaires Toyota du Québec rappellent dans leur plus récente campagne créée par l'agence Bleu, Blanc, Rouge. Une offensive qui joue un clin d'œil aux publicités automobiles génériques qui mettent souvent de l'avant une narration devant décrivant un conducteur typique et les raisons pour lesquelles ils sélectionnent le véhicule. L'idée de laisser la parole à ce conducteur pour qu'il révèle lui-même les véritables raisons de son choix. Deux publicités de 30 secondes qui sont en nombre jusqu'en avril. Qui sont super cool, que je pourrais pas vous faire entendre comme d'habitude. Je suis pas sûr de comprendre vraie fausse pub. C'est comme une. Ouais, je comprends ce que c'est vraiment pas pertinent si on la joue pas, c'est ça l'affaire. Si on se donne un petit quelques instants, on devrait pouvoir l'écouter, j'espère, avec le temps. Je sais pas ce qui se passe en fait aujourd'hui. Ça allait très bien tantôt avec Internet. Apparemment que. On n'a pas de chance là-dessus, Steph. On va vous les laisser sur la page assemblagerequis.com, je pense. C'est vraiment traître, hein? Ça te gâche une chronique. C'est dommage. L'autre, tantôt, ça me dérangeait moins de ne pas l'avoir écouté parce qu'on a compris le principe quand même. Celle-là, on la comprendra juste pas. Fait qu'on va faire comme si on l'avait pas fait, c'est bon? Voilà pour le blog pub, on va s'arrêter là parce qu'à un moment donné, ça va faire, hein, le niaisage. Au retour, ça va être le poste d'écoute avec Stéphanie Paradis. On va s'insérer un peu. Juste pour dire qu'on va entre-ouvrir la porte de la discothèque de C'est fou, on va regarder Steph en train d'être à genoux, en train de chercher les CD. Puis on va ressortir comme si on n'avait rien vu. C'est bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle fait des choses bizarres avec sa musique. C'est au retour à Assemblage Rocky. Pour l'instant, on va se gâter en écoutant tous ensemble l'Info Campus. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. C'est Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est jeudi 26 mars 2015 et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Blanc. Dans quelques moments, ce sera le poste d'écoute avec Stéphanie. Oui. Oui. Mais avec toi aussi, t'es quand même là. Je participe, je présente, tu sais. Ben oui, tu précipites. C'est ça, il faut bien que je fasse ça, tu sais, sinon ça ne jouera pas. Mais avant ça, on écoute The Airborne Toxic Event avec leur album Dope Machines. Voici Wrong au 89 FM, c'est fou. The Airborne Toxic Event. Et wrong. Tu penses pas avec un nom de groupe comme The Airborne Toxic Event que ça va être aussi enjoué que ça, tu sais? C'est vrai! Bon, c'est bon. Tiens, on va essayer de trouver quelque chose d'autre de bon, pourquoi pas, dans le poste d'écoute d'Assemblage Rocky. D'écoute! Yeah! Ça va? Ben oui, ça va. T'es-tu toi? T'es-tu prêt à écouter de la musique? Oui, oui. On n'a pas commencé, rien, là. Non, non, c'est ça. On est vraiment... on est à froid. On est prêt. On est ouvert à la nouveauté. Nos oreilles sont j'ai vidé mes oreilles de tout ce qu'elles avaient. Ah! Tu sais, j'ai mis ça à la table du studio comme commémoration du fait que maintenant mes oreilles sont ouvertes et que C'est fou devrait tout le temps avoir les oreilles ouvertes. Notre nouveau logo, en fait, c'est une tache de cire. On peut-tu changer de sujet? Ouais, j'ai mal au cœur. Pas je m'en vais avec ça. Je sais pas, j'ai mal au cœur. Le poste d'écoute, c'est quoi? Pour ceux qui l'auraient pas encore compris, c'est moi qui vais fouiller dans les nouveaux arrivages de C'est fou, les nouveaux arrivages musicaux, bien entendu. Oui, et oui. Je vous amène juste le meilleur. Des fois, c'est difficile de choisir parce que des fois, il y a beaucoup trop de bonnes choses. Des fois, c'est difficile de choisir parce que t'as l'impression que tout est pas bon. Mais, wow! Mais à... c'est honnête, ça, comme... C'est ouais. Déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est arrivé une semaine où j'en ai juste pas fait. C'est vrai, ça. Je me suis dit, je peux pas mettre mon nom là-dessus. On a fait autre chose à la place. Cette semaine, ça m'a pris quelques écoutes et à force d'écouter cet album-là, je fais crime, finalement, j'haïs vraiment pas ça. Et aujourd'hui, ce dont je vous parle, c'est le dernier album de la formation Two Gallons, We Are Undone. Mm. Donc, Two Gallons, c'est un groupe américain de folk rock, tu sais, folk indie rock. C'est ce que ça dit, mais moi, je trouve pas que c'est ça. OK, tant mieux, parce que folk, moi, je suis tanné, tu sais. Et je trouve pas que ça sonne folk, vraiment. Cool. Écoute, je pense que ça va être à nous d'en juger nous-mêmes, mais je mettrai pas un sang là-dessus, là. Donc, le groupe est composé de Adam Stevens à la voix, à la guitare et à l'harmonica. Au clavier aussi, si je ne m'abuse. Il n'était pas écrit dans la version en français sur Wikipédia, mais bien dans la version anglaise. Il joue juste en anglais, cet instrument-là. C'est ça. Ça. Donc, c'est important, ouais. Je pense, d'élargir ses horizons linguistiques. Et son acolyte, Tyson Vogel, j'imagine que ça se prononce comme ça. Donc, sont deux. Donc, sont conséquents avec leur nom, Two Gallons, là, quand même. Exactement. Donc, à la voix et à la batterie. Donc, le nom du groupe est tiré d'une nouvelle de James Joyce, Jean de Dublin. Ah, eh bien. Je sais pas exactement c'est quoi la référence, donc vous pourrez aller fouiller un peu plus de ce côté-là si ça vous intéresse. Donc, Adam et Tyson, qui se connaissent depuis la maternelle quand même, donc ce sont des amis de longue date, ont commencé à jouer ensemble à l'âge de 12 ans. Mais leurs premiers concerts sous le nom de Two Gallons ont eu lieu à San Francisco en 2002. Donc, ils ont quand même commencé très jeunes, à 21 ans, si je ne m'abuse. Donc, Stéphane Deschamps, un journaliste au magazine Les Inroccuptibles, tabarnak. Inroccuptibles, c'est juste un jeu de mots, là, genre. Ouais, mais je l'avais lu tantôt, c'était parfait, puis là, je sais pas pourquoi, j'ai eu une petite bulle qui a passé, parce que ça s'écrit un peu bizarre. Ouais. On les appelle les Inrock souvent, juste pour ça. Pas être plus clair, on facile. Dit les Inrock souvent. Ouais. Donc, il a décrit leur musique comme du Dylan faisant des reprises des White Stripes, mais on peut tout aussi bien la voir comme du White Stripes faisant des reprises de Dylan. Mm-hmm. Donc, je suis certaine que j'ai piqué votre curiosité et on s'en va entendre dès maintenant une première pièce. On va se faire un petit bloc de trois. Hein? Ah, on ben va oui. Se gâter. On va écouter ça tout d'une shot parce que c'est bon. On s'en va entendre Fool Like Us dans le poste d'écoute à Assemblage Rocky. To protect

C'était Some Trouble de la formation Two Gallons. Dans le milieu de ce merveilleux bloc, on a entendu Invitation to the Funeral et on a ouvert ce délicieux bloc avec Full Like Us. Et tout ça, c'était tiré du dernier album de Two Gallons, We Are Undone. C'est tellement bon que j'en prendrais, moi encore plus, j'en prendrais deux gallons, comme deux gallons, deux gallons. Ah! Ah, eh ben, ouais. Écoute, c'est leur cinquième album. Donc, avant ça, on va commencer à leur tout début en 2004 avec leur premier album de Throes. En 2006, What the Tall Tales. En 2007, Two Gallons. En 2012, The Bloom and the Blight. Donc, leur tout dernier album, We Are Undone, qui a été lancé le 3 février dernier. J'ai trouvé une petite anecdote à la fois cocasse et... un peu triste. Ah, OK. Mais, je sais pas si je vais être heureux ou triste. En fait, hein? Non, mais c'était triste sur le moment. Tu sais, c'est comme plate, mais aujourd'hui, c'est comme... Ah, c'est drôle. Okay. Donc, c'est au cours de sa tournée américaine, le groupe a obtenu l'attention de la presse musicale pour un incident lors d'un spectacle à Houston, au Texas, alors qu'un agent de police qui enquêtait sur une plainte de bruit au club Walter aurait attaqué le groupe, okay, et plusieurs fans présents avec un taser. Hein? Il est arrivé là, puis il a décidé qu'il taisait tout le monde. Wow! Fait que, ben, ça attire l'attention. Ouais. Des fois, parlez-en, puis c'est tout. C'est ça? Fait que, ben, c'est ça. Eh ben! Petite anecdote. Intéressant, ça. Donc, Two Gallons, encore une autre découverte qui pourrait se retrouver dans les panneaux si fous. Je le souhaite. Je mettrais pas ma main au feu parce que je peux pas savoir, mais j'ai l'impression que ça a du potentiel quand même. Voilà, c'est le poste d'écoute, on fait ça les jeudis en fin d'émission. Nous, par contre, ben, ça va être le moment de se laisser à son agent. De même, là. De même, parce que dans quelques instants, ça va être Génie en liberté, donc il faut faire la place. On se retrouve lundi entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Lundi à l'émission, ben, habituellement, on aurait Olivier Lessard et Sacré-Cœur le cours en passe, et on n'aura pas David Ferron cette semaine. Par contre, on va faire C'est un fait, parce que c'est ce qu'on fait le lundi. Voilà. Restez à l'écoute. À 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, Créateur de son, la série documentaire. À 16h, Palmarès du monde avec David Ferron en direct. À 17h, c'est la rediffusion du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Et à 21h, finalement, c'est Radio Sonic avec de la musique variée. Mais dans quelques instants, comme j'ai dit, ça va être Génie en liberté avec Samuel et Stéphanie. Ça s'en vient à 9h30. On remercie absolument personne, finalement, aujourd'hui. Ben oui, je te remercie, toi, Mathieu Plante. Merci, toi, Stéphanie Paradis. Oh. Et on se retrouve lundi à 6h30. Oui! Et en plus, on se quitte avec une de mes pièces préférées du palmarès en ce moment, c'est celle de la bronze. J'adore la bronze. Oh. Voici Explose-moi. Et à lundi. Bye! Bye! Porte la couronne de ton royaume. J'aurais voulu être celle pour qui t'as inventé des mots. J'aurais voulu être celle à qui le cœur plein d'eau, tu dis je t'aime trop.